la ma mère a décidé de me marier. Moi, me marier, je n'étais pas décidé. Je n'y pensais plus quand un jour, tout ému, elle me dit, j'ai trouvé dans le journal le parti idéal. Elle a le de Juliette Gréco, la de Brigitte Bardot, les Millet de Mongeau, le de Lavant Poineau, la de Greta Garbo, les Marilyn Monroe. Du charme, de l'esprit, de l'élégance, et surtout, elle est toute innocente. C'est la femme de ta vie, je lui ai déjà écrit. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le lendemain matin, elle était déjà là. Quand elle a sonné, j'avais le cœur serré. Je pensais, les copains vont être un peu soufflés. Si véritablement cette fille-là est aussi bien que sa mère. Elle avait le de Gabriello, la de Marlon Brando, les de Gilbert Bécaud, le Dario Moreno, la de Victor Hugo, les de Luis Mariano. Je me suis sauvé à toute allure, je vous jure qu'on ne m'y reprendra pas. Marierai, moi je choisirai. Bon, dis Sacha, moi je sais, une fille qui a l'œil. Ça m'est bien égal. Oui, mais, Lala. Je m'en fiche pas mal. Oui, mais qui a l'air. Complètement égal, mais dans son cœur, tant de tendresse pour aimer, être aimé et vivre près de moi. Le bonheur ici-bas n'est pas du cinéma.